Romain Renard, bonjour. Bonjour. Alors, mais peut-être d'abord contexte de création. C'est une bande dessinée qui est née un peu entre Québec et Montréal dans son inspiration. Vous étiez de passage au Québec pour Lonely Planet, si je me trompe pas. C'est ça. Et j'ai eu la chance de découvrir les Laurentides. Et qui a été pour moi une révélation de... On connaît les forêts chez nous, on a des petites forêts, des minuscules petites forêts qu'on appelle les Ardennes en Belgique. Mais quand je me suis retrouvé dans le wild des Laurentides, ça a été une... Je me suis dit, ben voilà, c'est ici que ça se passe. Vous avez choisi, dans le fond, de placer cette ville-là. C'est une ville de 498 habitants, oui. Melville, en plein cœur d'une forêt, en plein cœur des montagnes. Donc, effectivement, il y a un parallèle net. Je ne dis pas qu'elle se situe dans les Laurentides, mais je me suis nourri, en tout cas, de ce que j'ai vu là. Oui, parce que Melville, en fait, c'est partout, c'est nulle part. Vous donnez pas d'indice géographique, vous donnez pas d'indice de temps non plus. Ni même dans les prénoms de mes personnages. C'est généralement des prénoms bibliques, ce qui fait qu'on peut les placer un peu où on veut. Et c'est nécessaire pour vous pour vraiment pouvoir favoriser l'immersion en essayant pas de faire de repères historiques, en essayant Exactement. Je pense que si je l'avais situé aux États-Unis, j'aurais peut-être dû parler à un certain moment du 11 septembre. Donc là, le fait d'inventer un territoire et d'inventer un lieu permet effectivement d'avoir une poche à rêve. Oui, parce que dans le fond, d'une certaine manière, la création de Melville, c'est aussi la création d'une mythologie. Oui, Le fond, vous bâtissez un lieu, son histoire, son présent, son passé, etc. Je donne le coup d'envoi. Et après, je pense que c'est le lecteur qui va continuer. On en parlera peut-être après, mais je pense que c'est le lecteur qui va faire vivre la ville et qui va la développer. Et oui, parce qu'on peut se lancer tout de suite là-dessus, dans la mesure où Melville, on reviendra à certains aspects qui ont aussi participé à sa naissance, mais c'est aussi un projet transmédiatique qui nous amène vers des applications. Et entre autres, en fait, vous avez fait une espèce de Google Street View, si on peut dire, exactement, pour Melville. Ouais. Et vous avez développé quoi, à peu près 32 chroniques pour présenter, pour c'est détailler ça. Tout ouais, ça. Il y a 30 nouvelles. 30 nouvelles à découvrir. On se balade sur le territoire, donc on a une carte qu'on voit de haut, et il y a certaines maisons qui offrent des histoires, d'autres c'est une rue effectivement à visiter en scroll latéral, et chaque habitant de la rue est sorti de chez lui, et chaque habitant a sa propre petite histoire. Et quand on lit, quand on prend le temps de tout lire, de regarder toutes les chroniques, de lire toutes les nouvelles, une autre histoire commence à naître, quelque chose qui est sous texte, voilà, quelque chose un récit global, on va dire. J'essaie de m'approcher de ce qui est en train de se faire pour l'instant dans les nouvelles écritures, ce qu'on appelle les nouvelles écritures numériques, de vraiment travailler la narration d'une autre manière et d'utiliser l'outil du numérique pour sa spécificité. Puis à la limite, en fait, c'est au lecteur de dire, bon, ok, est-ce que j'en veux plus, est-ce que j'en veux exactement, ouais. encore plus, puis de voir jusqu'où il veut plonger dans l'univers que vous avez bâti. Oui, voilà, c'est ça. C'est une invitation, c'est pas une obligation. D'ailleurs, on peut aller sur Chronique de Melville avant même d'avoir lu les bandes dessinées. Et inversement, on peut avoir lu les bandes dessinées sans connaître ce qu'il y a dans les chroniques. Oui. Mais c'est un enrichissement. C'est comme la musique, c'est pareil. Et en même temps, même au niveau des bandes dessinées elles-mêmes, on peut commencer par le 2, il n'y a pas d'ordre obligatoire. En fait, les trois histoires, c'est trois histoires parallèles. Exactement. Qui se passent donc en même temps, voilà. Mais qui n'ont pas de lien implicite entre elles, du moins pour l'instant. Oui, tout ça est lié au fait que le premier... En fait, à la base, ça devait être un grand récit choral. Ça devait être un seul et même livre. Et au fur et à mesure du développement du scénario, j'étais rendu à 600 planches, 680 planches, quelque chose comme ça. Donc mon éditrice m'a gentiment pressé de me concentrer d'abord sur un personnage et puis après sur un deuxième personnage. Et c'est pour ça qu'on aura trois livres. Et évidemment, en dégageant une histoire plutôt qu'une autre, ben cette histoire s'enrichit encore plus. Donc voilà, ça oui. Mais en fait, j'ai l'impression que l'outil application justement permet de détailler, d'aller voir. Oui. On retrouve peut-être un peu plus cette chorale là dans l'application, dans le Street View, si on peut dire, sur la carte, que dans les albums où là on se concentre vraiment sur un récit phare. Oui, en fait on se concentre sur un personnage. La bande dessinée, c'est un personnage. L'application, c'est une ville. Et c'est ce qui s'est passé avant les histoires de bande dessinée, ce qui s'est passé pendant les histoires de bande dessinée. Il y a des choses que je relate qui sont déroulées au tout début du 20e siècle, ou à la fin du 19e, à la création de la colonie, quand Abraham Tréjean a traversé les forêts, a guidé son peuple pour le mener dans dans ce lieu. Voilà, il y a déjà des histoires qui commencent à la naissance de la ville. Et puis il y a des petites anecdotes, il y a d'autres choses à découvrir. Et ces anecdotes-là, cette cartographie-là aussi, cette historique-là, cette mythologie-là, est-ce qu'elle est venue avant de se lancer dans les albums ou elle est venue en cours de développement d'albums? Donc comment tout ça se place dans votre cadre de création? C'était pas dit. C'était pas vraiment écrit, c'était ressenti. En fait, avant d'écrire la bande dessinée Melville, j'avais fait un groupe de musique qui avait ce nom-là. Et je m'étais créé une page Facebook et comme je faisais déjà des vidéos, des petites capsules vidéo, j'invitais les gens non pas à écouter la musique, mais à leur dire bon bah écoutez, chez Melville il y a un cinéma. Chez Melville, il y a un théâtre. Chez Melville, il y a ça. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu presque une ville. Et quand j'écris le scénario de Melville, donc l'histoire de Saul Miller et donc tout ce récit choral, c'est tout naturellement que je les ai fait dérouler dans cette ville. Et la musique a un rôle toujours aussi à l'intérieur de ce récit. On parlait de transmédialité. Mm-hmm. Donc c'est né un peu à l'origine de ce groupe-là et c'est retourné aussi à la musique parce Exactement. Que Melville aujourd'hui c'est un spectacle rock. C'est un spectacle, c'est aussi une bande originale. Mm-hmm. J'ai composé les bandes originales de chaque livre qui sont offertes à l'achat du bouquin, donc qu'on télécharge sur le site. Il accompagne vraiment la lecture. Alors il y a eu, suite à ça, deux créations. Il y a eu une création scénique pour le premier Melville, qui s'appelait Melville sur scène, qui était une création là, oui, vraiment théâtrale, où je travaillais sur du mapping numérique. On mappait les dessins sur un décor blanc et sur un tulle blanc. Et c'était vraiment une plongée à l'intérieur des cases. Et j'avais le rôle de narrateur, donc je prenais le rôle de Samuel Beauclerc qui racontait son histoire. Pour le second, c'est pas l'adaptation d'une bande dessinée, c'est l'adaptation des chroniques, l'adaptation de la ville en fait. Je raconte pas la bande dessinée, je raconte la ville, je raconte ce qui s'est passé en 150 ans d'histoire de la ville. Et là, on a donc diffusé un peu comme des chroniques radio les témoignages. Et puis entre ces témoignages, il y a une chanson qui apparaît, puis après un autre témoignage, et le tout est accompagné d'un film qui est un mélange de dessins et de vidéos mélangées. Et qu'est-ce que fait que ça s'imposait comme structure en fait, donc de dire ok, oui c'est un récit en album, mais on va le décliner là-dessus, on va le décliner sur la musique, sur l'application. Est-ce que c'est un souci de, on parlait d'expérimenter avec les nouvelles écritures, mais en même temps, est-ce que c'est aussi de voir les possibilités de dire ben, en fait l'univers n'a pas à être que sur album. Mais oui, on est dans une période extraordinaire. Maintenant, vraiment maintenant, on doit se le dire, notre temps présent est incroyable. Je pense qu'il est comparable au temps de début du 19e avec avec l'invention de la vapeur ou même ce qui est venu avec l'électricité, c'est-à-dire qu'on a un champ des possibles totalement inédit dans la narration à l'heure actuelle, où on peut passer du papier au numérique. Regardez, on lit tous notre journal sur différents supports. On l'écoute à la radio, on l'écoute ou on le lit sur notre téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur le journal, sur le papier journal. Pourquoi la narration devrait se limiter qu'à un seul médium? C'est important d'ouvrir à différents médiums. Et quand on cherche avec les spécificités de chaque médium, on trouve d'autres manières de raconter les choses. Par exemple, la bande originale du second tome a vraiment été composée en fonction de timbres musicaux. Les personnages inquiétants sont accompagnés de percussions. Et quand on écoute la musique en lisant, même si les personnages ne sont pas présents dans les cases, quand on entend les percussions, on sait qu'ils sont là, quelque part. Ça raconte aussi quelque chose. Donc c'est vraiment utiliser la spécificité de chaque médium. Oui, puis j'ai l'impression que c'est la clé, parce que si on regarde juste au niveau numérique, ce qu'on a tendance à faire, et ce que beaucoup d'éditeurs ont tendance à faire, c'est de dire on va mettre l'album disponible sur iPad, par exemple. Oui. Et ça se limite à ça, alors que c'est dupliqué, c'est faire du neuf avec du vieux. Oui, alors il faut faire pas. Du neuf avec du neuf. Oui, moi je crois absolument pas au PDF vendu 5 euros, ou je sais pas combien vous êtes en dollars ici, mais bon... En tout cas, chez nous, c'est 5 euros. C'est Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vendre un PDF. Ça a du sens de l'augmenter. Alors Marvel a déjà exploré ça depuis pas mal de temps avec le Turbo Média. C'est une manière de raconter les choses. Moi, ce que je fais, c'est du livre augmenté. C'est la base est le livre, mais en même temps avec plein d'autres déclinaisons, et pourquoi pas le jeu vidéo, pourquoi pas la série télé, pourquoi pas, enfin, il y a moyen d'explorer beaucoup plus loin encore. Est-ce qu'on se sent un peu pionnier quand on se lance comme ça, en sachant qu'il n'y a pas tant d'auteurs BD, à tout le moins, qui donnent dans le côté transmédia, justement? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que les gens vous suivent jusqu'à maintenant? Est-ce que la réponse passe? Ah, la réponse est très enthousiaste, en tout cas. Très, très enthousiaste. Maintenant, c'est encore besoin d'accompagner l'information, de dire non mais sérieusement, ça existe, c'est là. Mais on ne sait pas ce que va être la bande dessinée dans 10 ans. Qu'est-ce qu'elle va être la bande dessinée dans 10 ans? Comment l'édition va réagir au numérique? Est-ce qu'on va se faire bouffer comme le milieu de la musique s'est fait bouffer? On ne sait pas. Donc il est temps maintenant de vraiment se poser les bonnes questions et se dire ok, on a ça qui est à disposition. On sait que les kids vont utiliser et utilisent le numérique beaucoup plus que vous et moi. Donc il faut interroger le médium et se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Comment on raconte les choses? Expérimenter, oui. Risquer. En fait, à la limite, parfois on peut avoir l'impression que le milieu de l'édition risque pas toujours au spot tant que ça, mais innover, c'est se mettre en danger, c'est prendre un pari puis dire ok, on essaie, on met du capital, on met du temps, on met, et oui. Pour le créateur aussi, parce que pas si personne embarque dans l'application, c'est 32 nouvelles qui oui. Non, mais de toute façon, c'est à l'auteur de prendre des risques, c'est à l'auteur de chercher l'éditeur est là pour l'accompagner. Donc oui, c'est à l'auteur de proposer ça. Et quand vous l'avez proposé, ça s'est passé, ça a été bien, de toute évidence, en fait, ces projets-là. J'ai choisi la maison d'édition qui voulait m'accompagner là-dessus. C'est une condition dès le départ? Oui, c'était une condition. Le projet a été pris chez d'autres éditeurs, mais c'est au Lombard où j'ai vraiment senti un vrai enthousiasme à développer ce projet. Et là, pour moi, c'est la clé. Parce que je venais d'une maison d'édition Casterman qui a vraiment ses lettres de noblesse qui est bien installée, qui a des belles lettres en dorure, et le Lombard avait une réputation beaucoup plus classique et beaucoup plus classique, on va dire classique. Et donc c'est pas que je prenais un risque, mais en tout cas je ne connaissais pas cette maison d'édition. Mais c'est donc quand j'ai senti dans le discours de mon éditrice qui me disait je veux absolument faire ça et on va se battre pour le faire, on va se battre pour le lever, je me dis ok, c'est bon, j'ai trouvé mon éditeur. Et tout ça, en fait, Romain Renard, évidemment, on parle de Melville, on a beaucoup exploré son côté transmédiatique, évidemment tout ça au service d'un récit qu'on pourrait qualifier d'un récit à l'ambiance forte. En fait, c'est un polar très ambiant, très cinématographique presque. Si on va chercher quelques termes clés, comment vous présenteriez-vous Melville? C'est une bande dessinée d'humeur. Je dessine des humeurs. Les humeurs, elles peuvent être humaines ou naturelles. Je dessine l'humeur de la forêt et je dessine l'humeur d'un personnage aussi. Et en ça, je travaille avec la lumière, je travaille avec les sons aussi, mais des sons graphiques. Et c'est une exploration d'un homme l'histoire, en fait. Pour le dernier, en tout cas, pour Melville 2, qui est l'histoire de Saul Miller, c'est l'histoire d'un astrophysicien à la retraite qui vit à Melville, dans une petite maison perdue un peu à l'écart de la ville, dans la forêt. Et il s'occupe d'une jeune gamine, Mia. Elle a 10-11 ans et il va lui raconter, enfin, il l'aide pour ses devoirs de mathématiques. Et tout se passe bien dans sa vie, jusqu'au jour où il y a deux hommes qui débarquent chez lui, qui veulent passer parce qu'ils veulent aller chasser, et un de ces chemins en fait mène à une colline, et les chasseurs veulent aller là-bas, et Saul Miller ne veut pas que les chasseurs passent. Et c'est juste ce non, c'est-à-dire c'est la manière dont Saul Miller va dire non, vous ne pouvez pas passer, cet élément déclencheur va complètement exploser sa vie. Je vous laisserai découvrir après pourquoi et comment. Mais on y parle aussi du temps, et du voyage dans le temps, et du voyage de la lumière dans le temps. Le récit s'ouvre sur 32 pages de pleine page où on part de la Voie lactée pour arriver à l'herbe sèche de la forêt. Et durant ce voyage, on a fait un voyage d'une année ou deux lumières. Et c'est aussi un voyage que va faire mon personnage. Il va aussi peut-être remonter le temps à un certain moment. Parce que d'une certaine façon, en fait, les personnages qu'on découvre dans vos chroniques de Melville, c'est des personnages qui sont à des étapes charnières d'une certaine mm-hmm. façon. En fait, dans le premier récit, c'est plus où on s'en va, en fait, la trentaine. Dans le deuxième, Sol Miller, on est à la cinquantaine. Oui. On essaie de revoir d'où on vient, si on peut dire, savoir qui on est à partir d'où on vient. Le troisième, ça risque d'être plus l'adolescence, l'enfance, oui. le passage à, oui. à l'âge mûr, entre guillemets. Oui, oui, c'est ça. Ce sont des périodes charnières. C'est... Oui, c'est bien résumé. Et justement, c'est de retrouver des personnages comme ça, des périodes transitoires. J'imagine que ça vous permet d'explorer, de réfléchir sur la création, sur ce qui fait qu'on est. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Là, je suis en pleine écriture du troisième. Et comme vous le disiez, ce sera le passage de l'adolescence à l'âge adulte ou l'enfance à l'adolescence. Et en même temps, la mort est. Qu'est-ce qu'on devient quand on est créateur? Pourquoi nous créons? Pourquoi nous créons? Quel est notre but? Qu'est-ce qui nous meut à créer? Et finalement, à quoi bon? Alors, c'est une question que moi je me pose vraiment en disant à quoi bon faire des livres? À quoi bon raconter des histoires? Bon, je pense qu'on construit brique par brique quelque chose. Est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est un grand tout, je ne sais pas. Je pense qu'on construit quelque chose, chacun d'entre nous. Mais ce sont des questions que mes personnages se poseront. Et dans le premier, on est avec l'écrivain, justement, l'auteur. Mm-hmm. Donc, il y a une réflexion sur la création qui, à la limite, en fait, j'ai envie presque de dire qu'à travers certains éléments qui sont signés de Claude Renard, ben, vous en prenez aussi un peu pour vous de oui. ce passage, de cette transition-là. Oui, c'est presque une thérapie que j'ai faite. Donc, mon père, Claude Renard, est vraiment très connu en Belgique et en France pour avoir créé le 9e rêve et l'atelier R qui était des cours de bande dessinée qui en même temps a donné une revue, donc le 9e rêve où ont commencé des gens comme François Scuten, comme Benoît Socal et plein d'autres de cette génération-là. Donc j'avais un poids par rapport à la bande dessinée et j'avais quelque chose à régler en tout cas par rapport à ça, par rapport à ma filiation. Et donc ouais, j'ai utilisé la bande dessinée pour essayer, tenter de régler ça. Et tout ça dans une approche aussi, à la limite de transmédia à l'intérieur de l'album, dans la mesure où dans le deuxième, il y a un peu des approches photographiques. Oui. Un peu. Dans le premier, on passe justement de l'album à ces écrits-là. Oui. Donc il y a un jeu entre guillemets des médiums à l'intérieur d'un médium. Oui, c'est tout prendre. C'est tout prendre. C'est prendre ce qui est nécessaire à raconter. Et tout ça porté au niveau, encore là, en fait, je perçois beaucoup en métissage ou en plaisir de vraiment aller chercher les influences au service du récit, au service d'une mm-hmm. histoire, au service de l'univers que vous mettez en place. Et c'est la même chose, un peu, j'ai l'impression, dans vos dessins. Enfin, on a crayonné, ancrage au feutre, fusain, palette graphique. Ouais. On explore aussi un peu dans les métissages, justement, que vous faites. Oui, je pense que la bande dessinée doit être poreuse. Elle doit être ouverte à tout. Donc, j'utilise tout ce que j'ai sous la main. Mais en même temps, c'est vrai que je construis mes bandes dessinées de manière très classique, avec un scénario qui est plus une nouvelle ou un court roman qu'un scénario de bande dessinée, et puis un découpage très poussé, et puis un crayonné très poussé, et puis après un ancrage très poussé, et puis après une palette de couleurs un peu moins poussée. Et en cela, je suis assez classique finalement dans ma manière de faire. Et les personnages viennent se poser un peu sur les cases que vous proposez, si on reste mm-hmm. dans l'aspect esthétique, sont dessinés au feutre, au fusain surtout. Mm-hmm. Enfin, on a un peu l'impression que le lieu existe en dehors des personnages. Mais c'est exactement les ça. Les personnages sont de passage, finalement. C'est exactement ça. De toute façon, nous ne sommes que de passage. Nous sommes tous une parenthèse dans un grand tout. Donc oui, mes personnages évoluent dans un lieu qui a déjà existé bien avant eux. C'est ce que je raconte dans les chroniques, mais c'est ce que la vie nous raconte en tout cas. Et ce lieu existera bien après leur passage. Et ces éléments-là, ces couches-là, est-ce que vous dites, en fait, je prends un peu tout ce qui est sous la main, je me lance dans un contexte même de réalisation plus classique, parce qu'évidemment, de toute façon, pour développer quelque chose, il faut avoir une base qui est solide. Et est-ce que tout ça se développe un peu instinctivement, ou au contraire, c'est peut-être un peu plus c'est réfléchi, c'est, OK, je vais essayer de rendre tel effet, donc je vais pousser de tel côté ou... Oh, je sais pas, je pense que ça se fait au cas par cas. J'ai pas un grand plan, en tout cas pour le dessin. Je pense qu'il y a d'ailleurs une certaine évolution entre l'histoire de Samuel Beauclerc, le premier Melville, et l'histoire de Saul Miller, le second. Il y a, je pense, une évolution graphique. D'abord parce que je connais mieux mon outil. Il y a pas de plan. Ça avance. C'est mouvant. Et le plan est plus sur la structure, parce que je parlais tantôt, c'est des histoires en parallèle. Oui. Donc, un événement qui se passe dans un album va se repasser dans l'autre, dans oui. la même axe temporalité. Exactement, oui. Les histoires, en fait, ne se croisent pas, mais les personnages peuvent partager un même lieu aussi à un moment donné. En plus de la chorale dont on parlait au départ, donc tout ça nécessite, j'imagine, une bonne planification au point de vue scénaristique. Ah oui, moi j'ai une carte chez moi, et puis j'ai des post-it un peu posés un peu partout sur mon mur avec des liens et avec une ligne du temps aussi que je suis. Oui, ça pour le coup, j'ai besoin d'avoir pas mal de rigueur là-dessus. À tel moment, ils sont à tel endroit. Oui. Puis... J'ai un historique, hein, j'ai vraiment l'historique de la ville, de la création jusqu'à la période contemporaine. Et je trouve intéressant pour les lecteurs une approche comme ça d'histoire en parallèle, parce que s'il y a un événement clé qui se passe dans une histoire, on sait qu'elle va arriver dans le deuxième, parce qu'on comprend que ça se passe mais en oui. même temps. Mais oui. Et là, on dirait qu'on n'a pas la même relation avec le deuxième tome, avec le deuxième récit qu'on va lire dans les chroniques finalement. Dans le premier Melville, il y a deux enfants qui volent au magasin général un magazine. Sont en fait les personnages principaux du troisième. Il y a une scène de concert dans un bar. Si vous observez bien, vous voyez dans le premier Melville les personnages les plus inquiétants du deuxième qui sont déjà dans le public du bar. Voilà, et plein de petites choses comme ça, et puis d'autres choses que j'invente au fur et à mesure aussi, qui viennent de se rajouter. Oui, ça vient récompenser peut-être le lecteur attentif un ouais, peu. Oui, voilà, c'est ça, c'est un plus. On n'a absolument pas besoin de savoir ça pour apprécier le récit, parce que le récit est vraiment basé sur un personnage et non pas sur une chorale, mais ces personnages évoluent avec d'autres personnes comme nous parlons, et puis on a la technique qui est à côté, qui sont en train de faire autre chose, et puis on a la rue qui est derrière nous, et puis voilà, dans la maison qui est là, il se passe quelque chose aussi en même temps. Et en même temps, c'est ce qui rend, j'ai l'impression, qui donne une assise. Parce que c'est toujours une question d'immersion, en fait, pour moi comme lecteur. Est-ce que je réussis à m'immerger dans la bande dessinée? Mais dans ce cas-ci, justement, tout est là pour permettre, je trouve, une immersion, mais dans un univers, dans le fond, pour qu'on croie le plus possible en Melville, parce que tout est là, tout est réfléchi, tout est placé pour qu'on puisse plonger vraiment dans ce que vous avez créé. Oui, et puis même... Enfin, d'abord, merci. Et puis, je pense que plus on en parle, et plus on le lit, plus ce lieu existe. Je cite souvent l'Atlantide comme référence. Non pas comme référence personnelle à mon travail, loin de là, mais en disant que, ben voilà, en fait, l'Atlantide a été... Le récit de l'Atlantide a été écrit, je sais pas, il y a combien de milliers d'années, 2, 3, mais on le cherche toujours. On y croit toujours, on la cherche toujours, parce qu'on l'a raconté, et je pense qu'il faut bien raconter les choses, et plus on raconte bien les choses, plus ces choses existent, plus on a de l'empathie pour un personnage. Si on a pleuré pour un personnage, ou si on a frissonné pour un personnage, ou si on est tombé amoureux d'un personnage, alors ce personnage existe, vu qu'on est tombé amoureux. On ne peut pas tomber amoureux de rien. Et en parallèle, en fait, les références, parce que si on reste un peu pour l'auditeur dans la description du récit, de l'ambiance, les références, c'est beaucoup Twin Peaks, par exemple. Je pense que quand les gens essaient de décrire qu'est-ce que c'est Melville, il y en a d'autres qui parlent de Stephen King, de ces petits villages du Maine. Oui. C'est un peu les deux références. Est-ce que c'est des références aussi pour vous, ou c'est... Ça fait partie et de mes lectures et de ce que j'ai vu à la télévision. Mais il y a aussi John Irving qui est important pour moi dans son récit. Il y a Jim Harrison qui est très important. Il y a Ron Rash, très important. un photographe, Gregory Crutzen, qui est très important aussi. Ce sont des choses qui me nourrissent. Et qui viennent oui. bâtir un peu la pierre de les fondations pour vous, donc nécessairement des fondations de l'univers que vous créez, mais qui existe en lui-même. Enfin, on donne des qualificatifs, mais Melville, c'est Melville au bout du compte. Ben voilà, je pense que les gens le comprennent bien au fil de la discussion, et avec des éléments en fait beaucoup de mystère, un emblématique d'ailleurs qui est lancé au fil d'un des albums, méfiez-vous de ce que vous voyez, tout n'est peut-être pas vrai, que je recevais comme un avertissement personnage, mais aussi un avertissement mon lecteur, parce qu'il y a un jeu de casse-tête aussi dans Melville, il y a un jeu de... Il y a un mystère qui se développe et vous jouez avec votre lecteur, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien, en tant que lecteur, moi, être joué. Et par exemple, si je regarde un film, une enquête policière, je ne veux absolument pas faire le boulot de l'enquêteur. Je veux absolument qu'on me guide dans une petite pirogue et on y va. Vas-y, raconte-moi une histoire. J'ai 4 ans, je suis dans mon lit et je vais bientôt m'endormir. Et c'est ça, c'est le plaisir vraiment d'emmener le lecteur par la main et de lui montrer des choses et d'en lui en cacher d'autres et puis après de lâcher la main et de le laisser découvrir par lui-même ce qu'il en est réellement. Et en terminant, Romain Renard, Melville, c'est, on le dit, donc un univers numérique, c'est un univers musical. En bande dessinée, de ce que j'en ai compris, vous avez dit, c'est 3 albums. Ce sera 3 albums et pas 12, 3. Ce sera 3 albums, mais comme on en parlait au tout début de notre conversation, la ville peut continuer d'elle-même par le lecteur. C'est-à-dire que dans l'application Chronique de Melville, vous pouvez acheter une maison. Si vous vous baladez dans la rue Tréjean, qui est ce grand scroll de toutes les maisons, il y a une maison à vendre. Il y en aura d'autres qui seront à vendre. Et le prix d'achat est vraiment très abordable parce que c'est une bonne histoire. Et vous envoyez une histoire. Si cette histoire est acceptée par le collège éditorial, à ce moment-là, la maison est à vous. Et vous devenez habitant de Melville. Et donc, au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de maisons qui vont se construire. Et je pense que voilà, l'idée c'est que la ville se construise d'elle-même. Et j'ai déjà reçu des histoires magnifiques. Et donc, on est en train de très très vite maintenant de construire d'autres maisons pour les mettre en vente et pour qu'elles soient proposées. C'est un réceptacle à l'histoire aussi. Oui, dans le fond, de dire, ben regardez, je vous en ai lancé plein. Oui, maintenant voilà. C'est à votre tour. Exactement. Nourrissons. On est autour du feu, on se raconte des histoires. Donc, okay. Quand on disait qu'on est ailleurs, que la BD évolue, je pense que c'en est un bon exemple avec l'univers de Melville que vous êtes en train de. En espérant que ça fasse peut-être boule de neige, en fait, selon le succès, évidemment, c'est toujours une question de ça, mais que d'autres peut-être voient ce que vous faites et disent, ben ok, oui, tu sais, ça se peut. Oui, ça se peut. Ça. Bien sûr. Tout est possible. C'est pour ça on vit un âge d'or, un nouvel âge d'or de la bande dessinée. Et. Il faut en profiter, il faut être gourmand. Moi, j'ai envie d'être gourmand, en tout cas. Mais Romain Renard, merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle, les chroniques de Melville, c'est du côté du Lombard.